conscience que la réussite de leur plan se tient à ton ignorance. Il y a des guerres tranquilles, aux armes silencieuses, manipulation médiatique aux influences vicieuses. Ambiance oppressante, alchimie osmose, la plume se pose, insignifiance menaçante, consentement des masses à laquelle je m'interpose, à dose de basse et de prose d'indigents, indignés et lassés par nos dirigeants, dirais-je également par l'inaction des gens, ignares consentants. Où moutons incultes, à l'instar d'un pouvoir, aux dollars occultes, tumulte utopique contre Baphomé à table, des notables maçonniques, au cul pyramidal, la balle dans le camp du canon bancaire, éclair sentiment de dalle et de précaire, l'argent dans les caisses des états prospères, la casse on encaisse quand leur crise fait l'affaire, assoiffé du sang de ces fiers prolétaires, leur misère à terre pourrait me satisfaire. L'œil est ouvert, il nous guette de son sommet. Sommairement découvert, il te fait croire que tu sais. Ces servitudes mentales, servies par les télés, telle est l'arme principale du nouvel ordre mondial. Apologie du pouvoir et du contrôle total. Les médias se régalent de la merde que t'avales. Ils te gardent de scandale, te dealent tes scoops. Sans comme ça fait mal, ta conscience est en groupe. Valeurs démocratiques, hypocrisie d'ampleur. La lourdeur de ce type, ce fou démoralisateur, fait peur aux politiques, mets ta voix dans les urnes. Ardeur utopique, car Bilderberg s'en bat les burnes. La couleur, je m'explique, du pion importe peu. Le jeu est médiatique, seuls les fonds sont l'enjeu. Enjoliver les chimères, brosser les révolutionnaires, corrompre les syndics, écraser les solitaires. La bannière du réveil, derrière Facebook et la toile, des rires sans aucun doute, le grand bouc et ses chacals. Ça fait mal mais c'est posé, tes armes sont déjà déposées. Des spots NOM, ton bernet, toi et tes potés, bafoué, dirigé, puis manipulé en beauté. Illuminati en piste qui continue à te formater. C'est carré, stratégique, t'as plus qu'à te laisser berner. Agir dans ma logique, lutter pour les contrecarrés. L'œil est ouvert, il nous guette de son sommet. Sommairement découvert, il te fait croire que tu sais. Ces servitudes mentales, servies par les télés, telle est l'arme principale du nouvel ordre mondial. Apologie du pouvoir et du contrôle total. Les médias se régalent de la merde que t'avales. Ils te gardent de scandale, te dealent tes scoops. Sans comme ça fait mal, ta conscience est en groupe. L'œil est ouvert, il nous guette de son sommet. Sommairement découvert, il te fait croire que tu sais. Ces servitudes mentales, servies par les télés, telle est l'arme principale du nouvel ordre mondial. Apologie du pouvoir et du contrôle total. Les médias se régalent de la merde que t'avales. Ils te gardent de scandale.